Audiomatic. To tell the others, tell La transmission 277 d'Audiomatique débutait avec la musique du groupe anglais Clock Opera, soit la chanson « Eleventh Hour » tirée de son premier album « Ways to Forget » lancé en 2012. Parce que la musique est la raison d'être d'Audiomatique, nous poursuivons sans attendre avec le projet « Black Film ». There's a straight way, you know. I've told you before, it's as thin as ice, as thin as the razor snow. Don't freeze in the snow, don't bake in the heat. I'll be your breath, there's a place where we can meet. There's a place where we can meet. There's a place where we can meet. In my midnight mediation, when I wake, be my heart's flotation. Come and feel from the overflow. Come and play me like a bird. Don't sleep in the subway, I'm meeting you. Well, I feel you, you're closing down, yeah. Get close, talk right through me. Get close, keep tight with me. If you fall now, it could be forever. I'm telling you, the line is thin now. I told you before, this hate is a sin. Empty out for the overflow, let love begin. What you think I am, but what you know. I'm the maker of wings that you teach me to sew. My wonder is yours as you trip to the sea. I'll be your breath in this place where we will meet. Place where we will meet. la séquence se terminait sur la musique de l'artiste Peter Murphy, membre de la formation Bauhaus, dissoute en 1983 et qui a poursuivi par la suite une carrière solo. La pièce Subway Epilogue que nous entendions est tirée de l'album Dust, paru en 2002. Un excellent album, d'ailleurs, qui s'inspire de la culture musicale moyenne-orientale tout en conservant le style gothique propre à la carrière de Peter Murphy. Et avant celui-ci, nous écoutions la composition Mahab Arata du projet hongrois Black Film, pièce tirée du premier album homonyme sorti en 2008. Le prochain enchaînement musical à Audiomatique sera introduit par Karina Round. La formation danoise Darkness Falls terminait cette séquence musicale à Audiomatique avec sa chanson Timeline, ici remixée par Come Truth, le projet de l'Américain Seth Haley. La version originale de la chanson Timeline apparaît sur le premier album de Darkness Falls intitulé Alive in Us. Précédemment, à Darkness Falls, nous avions droit au groupe allemand Splitter et sa composition Swimming with Dolphins, extraite de son troisième album Lost at Sea, sorti en 2011. Et pour débuter, il s'agissait de l'artiste britannique Karina Round et sa chanson The Secret of Drowning de son album Tiger Mending. C'est maintenant au groupe Nova Lima de se faire entendre à Audiomatique. L'artiste Philippe Lussan nous offrait sa version qu'il qualifie de dub, mais que les sonoristes qualifieraient de house. Bref, sa version de la pièce Busenfreund, originalement composée par le duo Tosca mené par Richard Dorfmeister et Rupert Huber. Cette version de la pièce Busenfreund, remaniée par Philippe Lussan, apparaît sur l'album Suzuki in Dub, qui offre en fait une série de versions dub de pièces apparaissant à l'origine sur l'album de Tosca intitulé Suzuki. Et avant cela, c'était la formation Nova Lima qui nous proposait sa vision contemporaine de la musique afro-péruvienne avec Mandinga, une pièce apparaissant sur leur deuxième album intitulé Afro, paru en 2004. En guise de conclusion à la transmission 277 d'Audiomatic, nous vous présenterons une composition du groupe Tree Plane intitulé « Something to get excited about » que l'on retrouve sur le EP qui porte simplement le titre de « EP » et qui est paru en 1998. Les sonoristes vous invitent mercredi prochain dès 17h pour écouter en direct la transmission 278 d'Audiomatic qui, comme à chaque semaine, sera d'abord diffusé sur les ondes de C'est fou 89.1 FM avant d'être accessible en différé sur nos profils mixcloud.com/audiomatic et facebook.com/audiomatic CFOU. Voici Tree Plane et la pièce Something to get excited about. C'était Audiomatic avec les sonoristes. Thank you.